voilà, moi aussi. Je t'ai monté mannequin, lundi, lundi, manicuré, parfumé, bien habillé, légère comme une libellule, Monica et Rivera. Hey, hey, c'est souvent la plus belle. Oh, oh, laissez Benita dans sa bulle. Santa Monica, tu dois Santa Barbara. Ensemble à ta santé, saluté, c'est Monica. Oh, oh, elle fait très mal à la tête. Dans la rue malentendante, elle est bonne même en claquette. Hey, hey, indépendante, elle fait la fête. Elle en a rien à foutre, tu remplis pas son assiette. Oh, oh, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Hey, hey, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Oh, oh, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Hey, hey, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Oh, oh, je m'en sens ta Monica. Hey, hey, non, c'est pas compliqué. Comportement en comité. Elle aime pas trop les comiques. Non, elle aime pas les commères. Son ex, un connard. Hey, hey, ma Santa Monica. Oh, oh, demain matin sur Manhattan. On prend l'avion pour Janeiro. Non, on a trop galéré. Galéré, galéré, galéré ou gamélé. Hey, hey, ma Santa Monica. Oh, oh, le verre de trop belle rougie. Talon rouge, elle sait bouger. Sans tabri comme un bijou. Je la regarde, bah j'ai le béguin. Pour la vie, je veux la bouquer. Oh, oh, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Hey, hey, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Oh, oh, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Hey, hey, je m'en sens ta Monica, moi aussi. Je m'en sens ta Monica. Thank you.